l'Argos. Année de mission 64. Jour 276. À l'intérieur de la capsule numéro 1. Constance. Derrière son dos, la file de véhicules est immobilisée pour l'éternité sur la voie qui borde le lac. Les quatre gamins sans visage sont à jamais pétrifiés au coin de la rue. Mais devant elle, des choses bougent dans l'Atlas. Le ciel, au-dessus du dépose-livre déguisé en chouette, devient une toile argentée qui se froisse et s'agite de remous, puis d'épais flocons se mettent à tomber. Constance avance d'un pas. Des haies de genévriers hirsutes encadrent une allée tapissée de neige, au bout de laquelle s'ébauche la forme tarabiscotée d'une maison victorienne sur deux niveaux, vétuste et peinte en bleu clair. Le porche s'affaisse, la cheminée est de travers. Une pancarte, ouverte, s'allume derrière la vitre. Sibyl, qu'est-ce qui se passe ? Pas de réponse. Sur un panneau à demi enfoui sous la neige, elle lit « Bibliothèque municipale ». Le reste de Lakeport est égal à lui-même. Statique, estival et définitivement bloqué, ainsi que le veut l'Atlas. Mais en ce point précis, au-delà du dépose-livre à l'angle de Lake et Park Street, on est en hiver. La neige s'accumule sur les genévriers. Des flocons volent dans les yeux de Constance. L'allée enneigée crisse sous ses pieds et elle laisse des empreintes dans son sillage. Elle monte les cinq marches en granit qui mènent au porche. En haut de la porte, sur la partie vitrée, une affichette rédigée par une main d'enfant. Demain soir, représentation unique, la cité des nuages et des oiseaux. La porte s'ouvre en grinçant. Face à elle se trouve un comptoir d'accueil décoré de cœurs en papier rose. Le calendrier porte la date du 20 février 2020. Un message au point de croix annonce « Les renseignements, c'est ici ». Des flèches indiquent la section fiction sur la gauche. Non-fiction sur la droite. Sibyl, est-ce qu'il s'agit d'un jeu ? Toujours pas de réaction. Des spirales bleu-vert creusent leurs sillons sur des écrans d'ordinateur antédiluviens. Une fuite d'eau s'écoule du plafond taché dans une poubelle en plastique déjà à moitié pleine. Flic, flac. Sibyl ? Rien. Normalement, Sibyl est omniprésente à bord de l'Argos. Quelle que soit l'heure, elle entend tout le monde dans n'importe quelle cabine. C'est bien la première fois que Constance la sollicite sans obtenir de réponse. Est-il possible que Sibyl ne sache pas où elle se trouve ? Qu'elle ignore que ceci existe à l'intérieur de l'Atlas ? Les livres alignés sur les étagères ont des relents de vieux papier jauni. La paume tendue sous la fuite d'eau, Constance sent les gouttes marteler sa main. Au milieu de l'allée centrale, un panneau avec une flèche pointant vers le haut. Section jeunesse. Elle s'engage dans l'escalier, les jambes flageolantes. Une paroi dorée se dresse sur le palier. La phrase qu'on a tracée dessus lui semble être du grec ancien. Oxene hostis ei anoixon, ina mateis a tau mazeis. Une étroite porte en arcade a été ménagée dans la paroi. L'air a un parfum de lilas, de menthe et de rose, digne de la ferme numéro 4 dans ses moments les plus exubérants. Constance passe la porte. Elle découvre derrière de scintillants nuages en papier suspendus au-dessus d'une trentaine de chaises pliantes et, sur le mur opposé, un décor qui occupe toute la surface. Une cité dans les nuages, des tours couronnées de vols d'oiseaux. Autour d'elle, un babil d'eau vive, de pépiments mélodieux et de craquements de ramures. Éclairé par un faisceau de lumière oblique qui descend entre les nuages, un livre repose sur un lutrin au centre d'une petite scène. Subjuguée, elle se déplace parmi les sièges et monte sur la scène. Le volume doré est un double du livre bleu que père gardait sur sa table de chevet. La cité dans les nuages, les tours aux mille fenêtres, le ballet des oiseaux. Au-dessus de la ville, il est écrit « La cité des nuages et des oiseaux ». Et au-dessous, par Antoine Diogène, traduction de Zénoninis.